Vous êtes arrivé à quelle qaïda, les frères? On a fait le kayf, c'est ça? On avait fini la 3. Ah, on commence la 3. Ah, on commence la 3. Taïe. Est-ce qu'il y a un ishkel sur les autres? Pas d'ishkel? طيب قال القاعدة الثالثة ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة وقد دل على ذلك السمع والعقل وأما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه ليس regardez ils sont connus d'une manière et d'une autre manière ils ne sont pas connus ils sont inconnus et on va voir c'est quels lorsqu'ils sont connus et lorsqu'ils ne sont pas connus تفضل طيب regardez ليتذكر أولو الألباب afin qu'il médite sur ces versets donc il y a un sens il y a plus forte raison il y a un sens sur le tawhid et sur les asma et sifat s'il y a un sens dans le fiqh dans la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala à plus forte raison il y a un sens dans quoi dans le tawhid صح ولا لا vous avez compris ça inchallah vous avez bien compris et on va voir qu'il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas de sens et que ces textes-là, il ne faut pas s'en approcher. On a dit que c'était qui ces gens-là? Al-Tafwid, d'accord? Les Mufawwida, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala. Donc si quelqu'un te dit, c'est quoi le dalil? C'est quoi le dalil de ce que tu avances? Qu'il y a un sens, et il y a une chose qui est connue, et une chose qui n'est pas connue dans les textes. Mafoum? Là, tu lui réponds par ce verset-là. Allah Subhanahu Ta'ala nous a dit de méditer en Coran. S'il nous dit de méditer sur le Coran, c'est qu'il y a un sens. Et les plus grands sens à méditer, c'est les sens du tawhid. Puisque c'est pour cela que les prophètes ont été envoyés. Continue. Nous avons fait un Coran en arabe, certainement vous raisonnerez. Raisonnerez. La'allakum ta'aqiloun. Méditer, raisonner, ça nous prouve qu'il y a un sens. Continue. Nous avons fait descendre à toi le rappel afin que tu montres clairement aux gens ce qui a été descendu à eux. Certainement, ils réfléchiront. Réfléchir. Raisonner, réfléchir. Yatafakkaroun. Et quoi, yatafakkaroun? Khalas. Allah, il a utilisé plusieurs termes pour dire que ce Coran a un sens. Walillahi alhamdulillah. Bien sûr. Voyez. La méditation ne peut avoir lieu que pour ceux dont il est possible d'accéder à sa compréhension. Là, il ramène le talil du aql. D'accord? Là, il vous explique avec le dalil du aql, rationnellement. Et ça prouve que les textes ne vont pas en contradiction avec quoi? Avec le aql. D'accord? Ça prouve. Et ça, c'est le aql salim. Ça, c'est le aql qui est propre, qui n'est pas été pollué, moulawwath, bi, بالبدع، avec les innovations et l'akhiré. مفهوم؟ طيب. afin que l'homme se rappelle de ce dont il a compris. S'agissant du Coran en langue arabe, cela prouve que son sens est connu. Sinon, il n'y aurait pas de différence entre le fait qu'il soit en langue arabe ou d'autres langues. Subhanallah. Allah, c'est logique. Ajib. Vas-y, continue. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait exposé clairement le Coran aux gens, cela comprend à la fois l'exposé du texte et l'exposé de ses significations. نعم لتبين للناس ما نزل إليهم ها il a exposé le prophète عليه الصلاة والسلام exposé et clairement il l'a expliqué et ça les frères regardez cette règle là elle revient à la parole qu'on a vue de qui de l'imam Malik quand il lui a dit كيف استوى qu'est-ce qu'il a répondu l'imam Malik el istiwa معلوم quand il a dit معلوم ça veut dire quoi que son sens il est connu في اللغة العرب Istawa ala, c'est levé au-dessus. Khalas. Vous avez compris? Al-kayf, majhouli, c'est celui à qui? Le kayf, c'est-à-dire le comment? On ne sait pas. Mafoum, pourquoi? Parce que c'est de l'invisible. Ça rentre dans le sens de l'invisible. Allah il nous l'a défini comment? Non, khalas. Et Allah il nous a dit dans un autre verset, laïsa kamitli shay, ou sami al-basir. Fahim tu m'yakwan? Donc c'est pour ça que la règle de l'imam Malik, c'est le qa'ida al-dhahabiyya, on l'appelle. La règle d'or dans les asma. Si vous avez compris ça, Inch'Allah. Ensuite, il dit وَأَمَّا الْعَقْلُ فَلِأَنَّ مِنَ الْمُحَالِ أَنْ يُنْزِلَ اللَّهُ تَعَالَى كِتَابًا أَوْ يَتَكَلَّمْ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم بِكَلَامٍ يَقْصُدُ بِهَذَا الْكِتَابِ وَهَذَا الْكَلَامِ أَنْ يَكُونَ هِدَايَةً لِلْخَلْقِ وَيَبْقَى فِي أَعْظَمِ الْأُمُورِ وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ليس prononce un discours qui désigne ce livre et que ce discours soit une direction pour les créatures, puis qu'il reste pour des choses importantes et graves par nécessité avec une signification inconnue au même titre que les lettres de l'alphabet dont on ne comprend rien. Ça aurait été, vous avez compris ça, ça veut dire que pour eux, Rahman, Rahim, c'est des lettres, c'est tout. Malik, Quddus, Salam, Mu'min, Muhaymin, Aziz, Jabbar, tous ces noms-là, c'est des lettres. Sami' bila Sam', Basir bila Basar. Voilà ce que disent les Jahmiyyah, ça. C'est que des huruf. Allah musta'an. Des huruf. Alors que. Et pourquoi ça a été multiplié? Pourquoi ça a été répété plusieurs fois? Pour bien prouver la puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et montrer sa quwwa, ses attributs, ses sifat, ses noms. Naam. Pourquoi. Hein, dire ceux qui disent cette chose-là, ils disent la même chose. Hein, c'est comme s'ils disaient que c'est simplement des lettres et pas autre chose. C'est juste des lettres. Rahman, c'est des lettres. Tu dois pas t'approcher de ce que ça veut dire. Istawa ala, lolol, tu t'approches pas de ça. Pourquoi? Parce que sinon tu vas faire du ta'wil et l'akhir et l'akhir. Tu t'approches pas de ça. Pourquoi ça? Hein? Vous avez compris, Inch'Allah? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien défini. Cela et les ulama ont bien défini cela dans Tafsir. Et ça fait partie de l'idiot aussi, ça, de dire ça. D'ailleurs. Parce que cela fait partie des stupidités. Ah. Ah, stupidité, ah, ouais. Ça va. Et après, donne le verset. Allah Azza wa Jal a dit, en ce qui concerne son livre, c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage très bien informé. Naam. Donc, ce verset prouve que. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il crée une chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il le crée par sagesse. Si toi, tu viens, tu dis pourquoi Allah il a créé ça, ou alors tu te moques de cette, en te moquant, yani, par ironie, tu te dis pourquoi il y a ce moustique, pourquoi, ça c'est du kufr. T'akhruj min al-islam, pourquoi? Parce que tu es en train de, Tu es en train d'injurer la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es en train d'insulter la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne crée que pour quelque chose. Sah? Et il crée des choses que tu ne connais pas. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. D'accord? Tout ce qui se passe dans son moule, c'est lui qui le gère, Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, si tu es amené... Alors imaginez-vous quelqu'un qui prend les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui dit non, ça n'a aucun sens. Ça, il ne faut pas s'en approcher. Et Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit que le mufawwida, c'est le pire des madhab pour les asma' sifat. Le mufawwida, c'est qui? C'est quoi? C'est le pire des madhab dans les sifat. Ceux qui disent que ces sifat et ces noms, il n'y a pas de ma'na, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens à cela. Cela, c'est les pires. Pourquoi? Parce que cela, en réalité, ils veulent dépouiller tous les sens ou le sens même du tawhid. C'est comme si c'était un dieu, mais en vérité, c'est du néant à la fin. Astaghfirullah al-Azim. C'est pour ça que certains, ils ont dit, tu peux définir, ou plutôt tu peux nous apporter les paroles des Yahoud et des Nasara et pas ceux des Jahmiyyah. C'est pour ça. Certains salafs, ils disaient ça. Apporte-nous les paroles des Yahoud et des Nasara et ne nous apporte pas les paroles des Mubtadi'a. Et le Jahmiyyah, c'est des kuffars, comme on l'a dit. Hein? Si cela, ce n'est pas des kuffars, alors là, ça aussi, ils t'ont dit qu'il y a un khilaf. Vous savez ça? Un khilaf sur le Jahmiyyah, Allah musta'al. Allah musta'al. Peut-être qu'il y a un khilaf chez les Yahoud aussi avec eux. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعنى النصوص الصفات وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف والسلف بريئون من هذا المذهب وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. طيب نساء. Qui indique notre connaissance des significations des textes relatifs aux attributs. Quant à la vindication de notre ignorance des attributs au niveau du comment, elles ont été citées dans la sixième des règles sur les attributs. Ça, on l'a expliqué, dans la sixième des règles sur les attributs. Taïb, ils ont un sens. Mais après, comment on a expliqué les shorot, c'est-à-dire les conditions de l'affirmation de la sifa. Mafoum, Taïb, ensuite. Avec cela, comment ils l'ont appelé? Le Mufawwida? Hein? Mufawwidit. Non, répète juste avant, qu'est-ce qu'il a dit? Et de cela, nous avons reconnu la nullité. La nullité du courant. Du courant, le courant, ouais. Taïb, ouais, Tayyar, yani. Ouais. Courant qui prône le fait de s'en remettre à Allah lorsqu'il s'agit de la connaissance des significations des textes, des attributs, et prétendre que cela est la méthode des prédécesseurs. Allah musta'an. Shufu. Regardez. Continue, fini. Mais les plus prédécesseurs se désolidarisent de ce courant religieux. Ils se désavouent de cela, na'am. Les dires des salafs qui ont été transmis avec un grand nombre de rapporteurs simultanés attestent l'essence à ces textes, parfois de manière globale, parfois de manière détaillée. Laisse le comment des attributs au seul savoir d'Allah. Bon. Nous on a dit que ces textes là ils ont des sens. Sahlala Taïb. Le sens, il est connu. Mais il est connu à travers quoi? À travers notre aql? Non, à travers la langue arabe. D'accord? À travers ce qu'on connaît de la langue arabe. S'élever au-dessus de, khalas, c'est ce que ça veut dire. Est-ce que tu as besoin de faire quelque chose pour savoir ça? Khalas, toi tu sais qu'est-ce que ça veut dire. Yumkin tatsawwaru comme ça. Lakin la tatsawwaru fiyesh fi sifatillah. Tu ne t'imagines pas dans les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu sais ce que ça veut dire. Le ma'na, tu le connais. Sah. Une main. Tu connais le ma'na d'une main. Khalas. Khalas. Mafhoum ? Quand Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu dis, il a les deux mains ouvertes, bal yadahu mabsutatan. Tayyib khalas. Est-ce que tu vas chercher le comment de ces sifat ? Non. Pourquoi ? Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Vous avez compris ? Vous avez compris ? Tayyib, eux laysa kamithlihi shay, ils l'ont ramené quand ce verset ? Et ils l'ont ramené à partir du moment où ils se sont imaginés un Dieu. Ils se sont imaginés un Dieu avec des sifats, etc. Ils ont dit, ah mais si on dit ça, ça veut dire qu'il y a ça. Et si on dit ça, ça veut dire qu'il ressemble aux créatures. Et là, tout de suite, ils ont ramené l'Aïsa Kamit Lihishay pour ne pas accepter la sifa. Pour réfuter la sifa. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Vous avez compris ? Nous, non. Nous, vous avez vu où est-ce qu'il a intervenu le verset de l'Aïsa Kamit Lihishay directement, avant même qu'il y a ça. D'accord ? Pourquoi ? Parce que nous, on ne s'est pas imaginé ce qu'eux se sont imaginés. Vous avez compris ? Vous avez compris ça ? Taïb. Bon. Maintenant, chez les salafs salih, il y a des ibarat, il y a des termes que tu vas trouver où, par exemple, certains salafs salih, et là, je vous demande un petit peu votre concentration, certains salafs salih disaient « bila ma'na ». Ah, ishkel, là. Sah ? L'imam Ahmed, mathalan, il dit ces textes-là, tu les suis sans ma'na. Bila ma'na. Il a une phrase comme ça, l'imam Ahmed. Vous avez compris ? مفهوم هذا بلا معنى هذه تفوض وإيش بلا معنى ما فيها معنى هذه بلا معنى sans sens. Toi quand tu lis ça sans sens, la première chose qui vient à ton esprit quand tu lis une parole comme ça de salaf, tu dis bon donc il y avait des salaf qui faisaient du tafouid, صح, c'est ça que tu vas te dire. Eh ben non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Le kalam d'un alim, pour l'attribuer au alim, il faut regarder ses ossoles, ses fondements. Est-ce qu'il a écrit un livre sur le sujet ou pas ? Ou est-ce qu'il était à une époque de sa vie comme ça et ensuite il a fini comme ça ? D'accord ? Ou alors est-ce qu'il écrivait certaines paroles dans ou certaines fatwas dans ce sujet-là et comment dirais-je ? Et à la fin de sa vie, il a écrit autre chose. C'est vrai ou c'est faux ? Parce qu'il se peut que le alim, il a commencé, comme Ibn Taymiyyah, il a commencé à émettre des fatwas à l'âge de 27 ans. Et il se peut qu'à 37 ou 47 ans ou 57 ans, il ait changé, Ibn Taymiyyah. Ça, là, là. Donc on pourrait plus prendre les paroles de la fin que celles du début. C'est vrai, c'est fou. Surtout quand le aql yenmo, le aql un peu grandir, yani, comme grandit comme grandit toute chose. Taïb, vous avez compris ça, Inch'Allah, les frères. Taïb. Donc, on se trouve devant une parole de l'imam Ahmed qui dit « Bila ma'na ». Ishkel, ça, halala. Ishkel ou pas ? C'est ishkel. Et on se trouve devant certaines paroles de salaf qui disent « Bila ma'na ». C'est ishkel ou c'est pas ishkel ? C'est ishkel. En réalité, c'est un ishkel quand tu ne connais pas cet imam-là. Et quand tu ne cherches pas à savoir c'est quoi son qawl. C'est quoi son vrai qawl. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Et de là, il y a énormément, énormément de problèmes. Comme l'histoire de l'excuse par ignorance, comme on vous a dit, avec l'histoire de qui ? De Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Le plus loin qu'ils peuvent aller, c'est qui ? C'est Ibn Taymiyyah. Et de là, certains ont compris de paroles d'Ibn Taymiyyah qui voyaient l'excuse, et d'autres qui ne voyaient pas l'excuse. Vous avez compris ? Vous avez compris ? Pourquoi ? Parce que voilà, ils ont été, entre guillemets, pris entre ces plusieurs paroles. D'accord ? Terrible. Mais on va regarder, il y a des indices qui vont nous permettre de savoir qu'est-ce que l'imam Ahmed a voulu dire. D'accord ? Qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il a dit « bila ma'na », sans sens. D'accord ? Est-ce que vous avez bien compris jusqu'à maintenant ? Taïb. Alors, dans l'Um'at al-I'tiqad, dans le livre l'Um'at al-I'tiqad, Ibn Qudama, ramène sahib l'imam al-i'tiqad, il ramène quoi ? Il ramène cette parole-là de l'imam Ahmed. Et on comprend de sa parole lui-même qu'il voyait le tafouïd. Khatir ou mish khatir ? Que lui-même, dans un livre de Aqidah, il voyait quoi ? Tafouïd. Certains l'ont défendu. Et ont dit non, ce n'est pas un mufawid. Al-Maqdisi, celui qui ramène le livre de l'imam al-i'tiqad. Certains l'ont défendu. Et d'autres, ils ont dit non. comme Cheikh Afifi, hein, l'ancien. Le Cheikh qui est à l'Ajna Daima, le Naïb al-Raïs, le remplaçant du Raïs, hein, le vice-président, on va dire. Cheikh Afifi, lui, dit non. Il dit c'est un moufawid, ou in ta'assaba ilayhi al-Hanabila. D'accord ? Il a dit c'est un moufawid, même si les Hanbalites s'accrochent un petit peu trop sur lui, là, hein, qui se fanatisent un petit peu trop sur lui. Comment on va faire le fasl, ya ikhwan ? Comment on va faire quoi ? Le fasl. Comment on va savoir si Al-Mahd ici, dans l'Oum'at l'I'tiqad, il a voulu suivre l'imam Ahmed ou pas, ou alors est-ce qu'il s'est trompé sur l'imam Ahmed ou pas ? Comment on va faire ? Hein ? On regarde lui, c'est quoi sa croyance ? On va regarder c'est quoi sa croyance. Le problème, c'est qu'il a un autre livre dans Usul al-Fiqh, où lorsqu'il va donner les exemples des versets qui sont mutashabih, écoute bien, qui sont mutashabih, c'est-à-dire qui peuvent être interprétés de différentes manières, c'est ça le mutashabih, ça. Hein, et le muhkam, c'est quoi? C'est le verset clair. Et ce verset-là, c'est quoi? Ce verset-là, c'est le verset mutashabih, c'est le verset qui peut avoir plusieurs explications, d'accord? Et nous, on a dit que le mutashabih, on le fait revenir au quoi? Au muhkam, d'accord? Taïb. Le problème, c'est lorsqu'il va donner des exemples dans les mutashabihat, il te ramène quoi? Il te ramène les asma sifat, ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Là, ça devient ishkal. Donc, l'Afifi, quand il te dit oui, c'est un mufawid, il n'a pas tellement tort. C'est vrai, c'est faux. Ah là, khalas, là, vous avez peur ou quoi? Hein? Afifi, khalas, lui, il le dit, lui, il le confirme. Pourquoi? Parce que dans les exemples qu'il va donner, le marque ici, il dit qu'il a du tafouif. Et il dit, même si les Hanabilas, ils se fanatisent sur lui, il a du tafouif. Et d'autres, ils ont trouvé des paroles, d'accord? Des paroles qui montreraient le contraire. Mafoum, qui voit le... qui ne voit pas le tafouif, d'accord? Mais c'est chouïa ba'id, à la kulli hal. Bon, maintenant les frères, comment on fait le fasl dans ça? En vérité, Ibn Qudama, هذا صاحب لمعة الاعتقاد en réalité s'il avait médité un peu plus sur la parole de l'imam Ahmed, d'accord, et qu'il avait regardé lui-même c'est quoi le vrai madhab de l'imam Ahmed, hein, il ne serait pas tombé dans cette erreur. لكن قدر الله ما شاء فعل, d'accord, pour dire que lui était mufawid ou pas, je vous ai dit, c'est mahal nazar, c'est à réviser. Il y a deux ulama qui le voient et d'autres qui ne le voient pas. Comme je viens de vous dire, moi, c'est pas moi qui ramène ça, c'est deux ulama, mafou. Mais en réalité, l'erreur qu'il a fait, si on peut dire, c'est qu'il n'a pas analysé bien comme il faut, malgré que c'est un hanbali, n'a pas analysé bien comme il faut le madhab de l'imam Ahmed dans la mas'ala. Pourquoi? Parce que l'imam Ahmed a un livre sur le sujet, d'accord? Et son livre sur le sujet, c'est quoi? Ar-raddu ala al-jahmiya. Az-zanadiqa al-jahmiya. Donc, il a un livre de chevet. Il a un livre de référence. Il a une référence, l'imam Ahmed. Hein? Si nous, on a des paroles mutashabih de l'imam Ahmed, on les fait revenir à quoi? On les fait revenir à quoi? À son livre-là, qui est muhkam, ça? Puisque sa croyance, c'est comme je vous dis, par exemple, l'imam Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayhi. Il a eu une parole qui peut être interprétée de différentes manières. D'accord? Nous, puisqu'elle peut être interprétée de différentes manières, nous, on va regarder dans l'ensemble de sa vie, dans ses ouvrages, dans ses paroles, est-ce qu'il est possible qu'on lui donne une bonne interprétation? C'est vrai ou c'est faux? Et on va revenir à quoi? On va revenir à son livre qui est Aqidat al-Sunnah wal-Jama'ah. On va dire non, en vérité, l'Uthaymin, il voulait dire ça. La preuve, c'est ça. Vous avez compris? Alors certains ont voulu défendre Al-Maqdisi de cette manière-là, mais ils n'ont pas trop réussi. Pourquoi? Parce que la parole, elle est, les exemples qu'il a donnés dans des livres pour le Mutashabih, c'est quoi? C'est les exemples de Rahman, Al-Arash, Istawa, etc., etc. Et ça, c'est une erreur que fait beaucoup de gens jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est qu'ils prennent une fatwa par là. Vous comprenez maintenant? Ils prennent une fatwa par là, ou ils prennent une parole par là, et ils en font un SS, ils en font un fondement. Alors que cette parole-là, il est possible que quoi? Il l'ait dit au début de sa vie, et il est revenu à la fin de sa vie. Ou alors il l'ait dit, et qu'il s'est trompé. D'accord? Mais ça, comment on va le savoir? On va le savoir à travers ses fondements, à travers ce qu'il écrit réellement sur le sujet. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Et vous allez me dire, oui, mais comment on peut faire ça ? Nous, on fait ça avec quoi ? Avec la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On n'a pas dit qu'il faut faire revenir le mutashabih ou quoi ? Au muhkam, dans la parole d'Allah. On le fait ça ou pas ? Et dans les paroles du prophète, alayhi salam, on le fait ou pas ? Les hadiths qui sont clairs sur tel sujet. D'accord ? Sur tariq al-salat, sur le shirk, sur kada. Tayyib ? Les hadiths, ils sont clairs ou pas sur ça ? Oui, ils sont clairs. Tous les hadiths qui sont mutashabih et qui peuvent être interprétés de différentes manières, on va les faire revenir à qui ? Au muhkam, ça, halala. Et là, c'est la même chose, pourquoi ? Pour la parole des ulama. Vous avez compris ? Ça, c'est la même chose, pourquoi ? Pour la parole des ulama. Donc, l'imam Ahmed, quand il va dire bila ma'na, toi, tu ne vas pas dire c'est un mot fawiv. D'accord ? Tu vas regarder, tu vas dire l'imam Ahmed, il a dit bila ma'na. Taïb, on va regarder. Hop, il a ramené quoi ? Il a écrit un livre. En 10 ans de fitna avec le Jahmiya, il a écrit un seul livre et il les a kaffar dedans le Jahmiya. Dedans, il les a kaffar, puisqu'il a dit Zanadiq al-Zindiq, c'est un kaffar. D'accord ? Il les a kaffar, ça aussi, c'est un problème. Puisqu'ils te disent, oui, le Jahmiya, c'est pas des kaffars. Et pourquoi il les a appelés Zanadiq alors, l'imam Ahmed ? Allah Musta'an. Ils ne veulent pas kaffar, hein, c'est un petit takfir. Ils ne veulent pas. C'est un ishkel. Hein ? Il a fait un. Il a fait un livre, Al-Radesh, ala Al-Zanadiqa. Vous avez compris ? Donc, c'est le livre de chevet, c'est le livre de référence sur lequel on va se baser pour dire. Hein, est-ce que vous avez compris maintenant ? Donc, les ibarats de Salaf que vous allez trouver qui disent Bila Ma'na, qu'est-ce qu'ils veulent dire en vérité ? Ils veulent dire Bila Ma'na, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de sens dans le comment. Vous avez compris ? Qu'ils n'ont pas de sens dans quoi ? Dans le comment. D'accord ? Ou toutes les ibarats qu'on va trouver des salafs qui sont sur une bonne aqida, on va dire quoi ? On va les interpréter d'une bonne manière et pas d'une mauvaise manière. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Et celui qui l'interprète d'une mauvaise manière, celui-là, après, c'est Amruhu ilallah, subhanahu wa ta'ala. Walakin, nous, lorsqu'on va voir des paroles de salaf, et c'est parce qu'il y a eu certaines ibarats, certaines paroles ambiguës, entre guillemets, c'est parce qu'il y a eu ces paroles-là que certains contemporains, et parmi eux la jama'a des Ikhwan Muslimin, hein, certains contemporains, ils ont dit que ces noms-là, là, c'est tout ce qui est asma aussi fait, tu t'approches pas de cela. Eux-mêmes, ils sont rentrés dans le tafouib. Pourquoi ? Parce qu'ils ont regardé juste la parole de quoi ? Certaines paroles ambiguës de salaf. Vous avez compris maintenant pourquoi ? Et qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils vont lire les paroles de salaf, ils vont tomber sur ces paroles-là, ils vont dire « Ah, en fait, il ne faut pas s'approcher de ces notions-là. » Alors que non. Alors que non. Ce n'est pas le voulu de ce tafouid-là. Le tafouid se divise en quoi ? En deux. D'accord ? Tafouid al-kayfiyya, ça, on le fait tous. Nous, à la sunna, on le fait. D'accord ? Nous, on fawid al. Mais tafouid al-ma'na, on le fait ou on ne le fait pas ? Le tafouid du sens, on le fait ou pas ? Non. Eux, ils le font. Le tafouid du sens, c'est pour ça qu'ils disent bila ma'na, pas l'imam Ahmed, on a expliqué l'imam Ahmed, mais ceux qui sont tombés sur ce genre de paroles, d'accord ? Il y a le tafouid du sens et il y a le tafouid de quoi ? De l'kaïfiyya. Nous, on fait un tafouid al-sunna ? Oui, on est des mufawwida dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on dit qu'il n'y a pas, on n'a pas une kaïfiyya mu'ayyana, il n'y a pas un comment bien précis de la sifa. Pourquoi ? Parce qu'Allah ne l'a pas défini dans le Coran. C'est vrai, c'est faux. Kayfa stawa, on peut le dire ça ? On peut le dire ça ? Non. Kayfa nazala, Allah subhanahu wa ta'ala, on peut le dire ça ? Hein ? Kayfa kada, kayfa kada, on peut le dire ? Non, on peut pas. Sah ? On peut pas. Pourquoi ? Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami' al-basir. Sah ? Puisque Allah ne nous a pas informé de la kayfiyya. Ce tafouid-là, oui, nous on le fait. Vous avez compris ? Taïb. Les autres, eux, ils font le tafouid. Ils font le tafouid de quoi ? De l'ma'na. Et non pas de. Kayfiyya. Eux, ils mettent tout dans le même sac. Ils disaient Kayfiyya ou ma'na, khalas. Il n'y a ni ça ni ça. Une fois qu'ils t'ont dit ma'na, khalas. Même la kayfiyya, ça suit. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Une fois qu'ils ont dit le ma'na, khalas, ça suit. Vous avez compris ? Et nous, qu'est-ce qu'on dit ? On dit non. Nous, on dit bi'tibar, d'une manière, les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils sont connus de nous, puisqu'on comprend l'arabe. Hein, on comprend l'arabe. Et d'une autre manière, ils sont inconnus, c'est-à-dire le kayf. Eux, ils te disent non. Eux, ils te disent ni le kayf, ni le ma'na, ni rien du tout. Tu t'approches même pas de ces textes-là. Et beaucoup sont tombés dans ça. Parmi eux aussi, Shawkani. Dans son tafsir, Fath al-Qadir, il a du tafouif. Et il y a des gens qui sont tombés dans le tafouif, les frères. Pourquoi ? Parce qu'ils pensaient, à cause de certaines paroles ambiguës, ils pensaient que c'était le madhab des salafs. Vous avez compris ? Ils pensaient quoi ? Que c'était le madhab de quoi ? Des salafs. Alors ils sont restés sur ça. C'est ambigu, ça, là. Hein ? Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas revenus. Après, tout le monde se trompe, hein, les frères. Est-ce que vous avez compris ça, Inch'Allah ? طيب c'est pour ça que sahib jawharat at-tawhid jawharat at-tawhid c'est un livre de Asha'ira et c'est un livre qui étudie même dans l'obilat dans bilad al-muslimin d'accord et dans lequel il t'enseigne cela il t'enseigne le tafwid il te dit wa kullu nassin awhama at-tashbiha awwilhu aw fawwid wa rum tanziha il te dit hein que tout texte qui porterait entre guillemets à ressemblance, awwilhu. La première des étapes, c'est quoi ? C'est que tu lui fasses un ta'wil. Exactement ce que font les Asha'ira. Les Asha'ira, la première des choses, c'est le ta'wil. Wa ja'a rabbuk, ja'a amru rabbik. Tout de suite. Yadullah, quwwatullah. Tout de suite. Sah ? C'est vrai ou c'est faux ? Ils font le ta'wil. Après, comment ils le font, ça, c'est un autre débat. D'accord ? On ne va pas à chaque fois répéter. On l'a expliqué. Taïb. Il trouve une interprétation dans la langue arabe et il la donne. Vous avez compris ? طيب. وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض. شوف. Fais le tafouid. Si tu n'arrives pas à faire le ta'wil, tu fais le tafouid. Vous avez compris ? Hein, pour ne pas rentrer dans le tashbih. C'est ça le problème. Ceux, le mufawwida, ils n'ont pas voulu rentrer dans quoi ? Dans le tashbih. Donc, tu dois faire le tafouid. Warum tanziha. Et ensuite, hein, de cette manière-là, tu auras fait le tanzih, le vrai tanzih qui est le fait de réfuter la ressemblance ou faire le tashbih à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous avez bien compris ça, mes frères ? Donc ça, c'est une masala qui est très, très, très importante. Ça, c'est une des masala les plus importantes. Donc on a dit al-mu'awwila qui fait partie de qui ? Les Asha'ira, al-mu'tazila et l'akhiri. Mais on a aussi al-mufawwida. Al-mufawwida, on a dit... Le tafouïd se divise en deux. Le tafouïd de l'ma'na et du kayf. Nous, on fait tafouïd al kayf. Le sunnah, ils font tafouïd al kayf. Voilà qu'ils ne font pas tafouïd al ma'na. Pourquoi ? Pourquoi on ne fait pas tafouïd al ma'na ? C'est la règle, justement, que tu es en train d'apprendre aujourd'hui. Parce que l'essence du tawhid doit être connue de tout le monde. Sah ? Si on ne sait pas ce que ça veut dire Rahman, pourquoi on va dire Ya Rahman, Arhamni ? Hein ? Sah, là, là. Si on ne sait pas c'est quoi le sens de Ish. De basir, et ben on va faire des péchés puisque khalas, hein, Allah vous avez compris, on va pas dire qu'Allah ne voit pas, comme le disent qui, comme le disent les jahmiyyah qui disent basir bilaish bila basar, pourquoi, parce qu'ils ont voulu sortir de quoi, de la ressemblance, du tashbih. Vous avez compris ça, inchallah, vous avez compris. Donc tous les noms et les attributs, comment Allah il va qualifier ses noms et ses attributs de plus beaux et ensuite ne pas avoir de sens? Comment Allah dit l'ilal asma'ul husna. Sah ? C'est bien les plus beaux noms. Comment ils vont prendre ces noms-là ? Ils vont dire c'est les plus beaux noms, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà, c'est ça le madhhab du tafwid. Vous avez compris ça ? C'est pas logique. Et eux, yadda'oun al-aql, yadda'oun annahum uqala. Et ils disent non, c'est nous les uqala, c'est nous les raisonnables. Vous n'avez pas d'aql, vous, al-sunnah. Hein ? C'est eux qui n'ont pas d'aql. Nous, on a aql, alhamdulillah. Allah musta'an. Est-ce que vous avez compris ça ? Taïb. Est-ce qu'il y a ishkel sur ça maintenant ? Est-ce qu'il y a ishkel ? Donc, elle marque d'ici pour pas qu'on interprète mes paroles à Haja. Il y a un khilaf, il y a des ulama qui voient, qui le défendent et qui disent non, il était à la mu'taqad salaf. Et d'autres qui disent non. Ils disent, hein, comme l'Afifi là, je vous ai dit, il a dit non, il a dit, وَإِنْ تَعَصَّبَ إِلَيْشْ الْحَنَابِلَ. Même s'il se fanatise dessus, l'Hanabila, hein, que vous étudiez son livre, il a akhiré, il a dit lui, il était min ahl al-tafwid. Pourquoi ? Parce qu'il a regardé et il a vu ses. Livres sur lesquels il avait encore du tafouid. Et ça vient de quoi ? Et je le répète encore une fois, ça vient d'une erreur, ou plutôt d'une parole ambiguë qu'il a pris de l'imam Ahmed. Et aujourd'hui, mes frères, ça se répète. Vous savez comment ça se répète ? À travers les fatwas qu'on vous rapporte de certains chouyours. Il dit, regarde, il a dit ça là. Non, mais regarde, il a dit ça là. Oui, mais regarde, il a dit ça là. Oui, mais regarde, il a dit ça là. Sahalala. C'est vrai, c'est faux. C'est un combat de fatwa maintenant. Pourquoi? Parce que on a oublié quoi? On a oublié de faire revenir, nous, les problèmes à quoi? Au Coran et à la Sunna. Et alors, on se base ensuite sur quoi? Sur la parole de certains savants dans certains sujets. C'est vrai ou c'est faux? D'ailleurs, il y en a qui comprennent rien des fois. Ils disent, hein, il y en a qui comprennent rien, ils disent, oui, mais Shir Intel, il a fait une fatwa dans ça. Et dans un autre. Et une autre fois, il a fait un Shir. Et une autre fois, il a fait une fatwa qui disait le contraire. Ça existe ça ou pas, les frères? Ça existe. Pourquoi? Parce que toi, tu sais pas dans quel contexte il a dit. Parce que toi, tu sais pas pourquoi il l'a dit. Hein, et pourquoi il l'a fait, etc. Et même s'il l'avait dit, ben, il s'est trompé. Si par exemple, toi, cette fatwa-là, elle est contraire aux enseignements de la parole d'Allah et de son prophète, alayhi salatu salam, ou des sahaba, khalas, tu la mets de côté. Ish, il y a ishkel dans ça? C'est vrai ou c'est faux? Il y en a, on dirait, ils ont plus de ta'zim, ils ont plus, hein, ils vénèrent plus, entre guillemets, respectent plus les paroles de ulama que les paroles de qui? Que les paroles d'Allah ou du prophète, alayhi salatu salam, qui sont claires sur des sujets. Mais vous, sahir, c'est un muslim? Sahir, c'est un muslim? Allah, il dit que c'est un kafir. Il te dit non, mais il y a un khilaf. Où le khilaf? Sahir, c'est un muslim? Allah, c'est bon ou c'est bon, les frères? Le mouchirik, c'est un muslim? Et pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis il y a un khilaf alors? Il fait du shirk, c'est un muslim? C'est simple de savoir ces choses-là. C'est simple. Si tu les fais revenir à quoi? À la parole d'Allah ou à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris? Vous avez compris? C'est ça. Après, les paroles des savants, elles ont leur contexte. Hein, elles peuvent être dites à des moments. Elles peuvent être aussi abrogées par d'autres fatwas. Donc, les paroles des savants, tu peux en trouver, tu peux en trouver, tu peux en trouver. Et c'est souvent aussi la question, comment elle a été posée aussi. Donc, puisqu'il y a toutes ces possibilités, laisse-toi avec quoi? Avec les choses qui sont là. C'est vrai, c'est faux. Allah. Le khamr, il y a un khilaf. Le khamr, il y a un khilaf. Nabid, oui, il y a un khilaf. En vérité, il n'y a pas de khilaf. Ça, c'est un khata, ça. C'est un khilaf daïf, ça. Vous avez compris? Tayyib, tu as dit le khamar, maintenant, il y a un khilaf. Allah musta'an. Ils vont bientôt nous dire la cocaïne, il y a un khilaf aussi. Allah musta'an. Ils vont dire, ouais, il y a jouz. Hein? Il n'y a pas de dalil, il va te dire. Allah musta'an. Tayyib, wa amma. Astaghfirullah al-Azim. وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بالتدبر القرآن وحظنا على عقله وفهمه فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله. هذا هو قول الشيخ الإسلام يصيد إلى أن قال وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه. استغفر الله. لا يعمل إيش؟ لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. Regardez le lazim. On a dit le lazim quoi? Ce que va en découler de cette parole là, de le mufawwidha. Regarde, lis qu'est-ce qu'il dit Cheikh l'Islam. Jusqu'à ce qu'ils disent à la page 118, à ce moment-là, d'après ces gens, ce avec quoi Allah s'est écrit dans le Coran, ou une grande partie de ce avec quoi Allah s'est écrit, les prophètes n'en connaîtraient pas la signification. Bien plus, ils prononceraient un discours dont ils ne raisonnent pas la signification. Et c'est pour ça que certains ulama, ils ont kaffar ces gens-là. Certains ont kaffar, les Asha'ira, et certains ont kaffar. Jahmiya, pas de Jahmiya, c'est des koufars. Mais même ces gens-là qui sont venus, pourquoi? Parce qu'en vérité, à la fin, ils veulent enlever le din. Si dans l'asl du din qui est tawhid, d'accord, et dans le asma, sifat, il y a trois tawhid, il y a le tawhid, l'asma, sifat, ça. Si là, on nous dit qu'il n'y a plus de sens dans ça, Si on dit qu'il n'y a plus de sens dans cela, khalas, ijbaqi, qu'est-ce qui reste? C'est vrai ou c'est faux? Pourquoi ils arrivent à admettre qu'il y a des sens dans le fiqh? Sah, dans la sharia, dans le fiqh, il y a des fois des sens. Il y a une hikma, pourquoi Allah il a haram cette chose-là, hein, pourquoi il a haram, par exemple, le khamr, l'alcool, l'akhiri, il y a des hikma, hein, taïb dans ça. Mais après, quand ils vont arriver au ism al-hakim, ils vont dire hakim bila hikma. Vous avez compris? Donc en réalité, ces gens-là, hein, certains d'entre eux en ont profité pour essayer de sortir les gens de l'islam, de sortir les gens de cette religion. C'était un combat. En réalité, c'était une infiltration pour essayer de faire sortir un maximum de gens de cette religion-là. Mais alhamdoulilah, ulama al-sunnah, ils se sont levés contre ces bid'a-là et ils ont lutté contre cela. Et en écrivant des livres, et en écrivant des rasaïls, et en montrant la vérité, là où l'Allah, si ce n'était pas Allah, thumma, puis ces ulama-là, ben nous-mêmes peut-être qu'on serait égarés. On ne comprendra rien. Comme dans plusieurs questions religieuses aujourd'hui, beaucoup ne comprennent rien. Et qu'on se bat, et qu'on essaye de se battre à faire comprendre ces masaïls-là à certaines personnes, mais malheureusement, certains s'entêtent et qu'Allah nous guide et les guide. D'accord, les frères? Donc là, la ma'na, elle est wadih. Est-ce que les prophètes sont venus avec un message? Oui? Oui. Quel était leur message? At-tawhid, sah ou lala? Sah ou lala? Taïb, at-tawhid, il se divise en quoi? En trois. At-tawhid, l'asma aussi fait. Quand il appelle Allah par un de ses noms et un de ses attributs, mafoum, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils le font, et ils le font, ils ont compris le ma'na, ils ont compris l'attribut, sah ou lala? Hein? Quand Ibrahim alayhi salam dit wa idha marithtu fa huwa yashfin, ou quand Moussa alayhi salam dit kalla inna ma'aya rabbi sayahdin, taïb, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait des choses, Allah subhanahu wa ta'ala, et il fait ce qu'il veut, Allah subhanahu wa ta'ala, sah ou lala? Taïb, donc il a des sifats, Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi vous dites-vous que Allah n'a pas de sifats? Alors qu'Allah dit, donc vous voulez faire quoi? Vous voulez turiduna ish atanfu ish sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il y a des ulama qui disent que lorsque tu le vois, il s'entête à faire quoi? À essayer de dépouiller les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala par le ta'wil, hein, la mauvaise interprétation, ou par ish, ou par le tafwid, comme certains l'ont fait, d'accord? Il n'y a pas de mal à le rendre ish kafir. Et c'est pour ça que Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, il disait qu'une personne qui a eu les preuves du Coran et de la Sunna et qui ensuite dit que Allah n'est pas au-dessus de son trône, il voyait que celui yanfi al-ulu, celui qui voyait, il voyait que celui qui yanfi al-ulu, c'est-à-dire celui qui s'opposait à cette aqida là, la aqida du ulu, que Allah il est au-dessus de son trône, il disait automatiquement c'est un kafir. Et j'ai l'ishka. Pourquoi? Combien il y a de notions sur l'ulu? Combien de textes il y a sur l'ulu? C'est du mutawatir. Hein, c'est des textes connus de tous. Sah ou la? Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-'amalu as-salihu yarfa'uhu. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa wa huwa alladhi fi as-sama'i illahu wa fi al-ardi la. Non, ce verset là, c'est ma'boud, bima'na ma'boud. Tayyib, ma'boud fi as-sama' wa ma'boud fi al-ardi. Tayyib, tous les autres versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ar-Rahman 'ala al-'arshi istawa. Combien sont ces versets là? Hein? Hey, سبح اسم ربك الأعلى. Il y en a un d'entre eux qui a dit سبح اسم ربك الأس. Il a dit سبحان ربي الأسفل. Il y en a un qui a dit ça parmi eux. الأسفل, le plus bas. أعوذ بالله. Et ton cœur, même ta fitra, quand toi tu fais le dua, ton cœur il se dirige vers où? Il se dirige pas vers le ciel quand tu fais le dua, subhanallah. Ça c'est dans ta fitra, ça. Allah t'a créé comme ça. Hein? Il y en a un, il lui a dit lève tes, il lui a dit est-ce que tes mains tu les mets vers le bas quand tu fais le dua? Ou tu les mets à gauche ou à droite. Hein. Il lui a dit ça quand il a fait le niqash. Il lui a dit non. Il a dit je les mets comme ça. Il a dit bah, tu vois, ça veut dire qu'Allah il est au-dessus. Ah, subhanallah. C'est pour ça qu'il y a des ulama qui n'ont pas hésité de les kaffar ces gens-là. Et là, ishkal. Si après il a les preuves avec lui, là, ishkal. Ensuite, il dit qala, wa ma'loum anna qat, anna hadha qathun fil Qur'an wal anbiya. Idha kana Allah ta'ala anzala al Qur'an wa akhbara annahu. جعله هدى وبيانا للناس وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته، لا يعلم أحد معنى فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة، ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب ما يعارضهم. ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر، شوف تجي كمزة، من شر أقوال إيش؟ البدع والإلحاد. يعني تجي سل بير ده أقوال ده البدع. بقتي ده بير. وهذا الكلام سديد من ذي رأي رشيد وما عليه مزيد، ورحمه الله رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم. بس فيني ساي يبقون فيني لغد إن شاء الله. Il a ordonné au messager, sallallahu alayhi wa sallam, de transmettre un message très clair et qu'il expose clairement aux gens ce qui a été descendu à eux. Allah a ordonné de méditer et de raisonner le Coran, et ce qui est le plus noble dans ce message, ce que le Seigneur nous a appris sur ses attributs. Dire des innovateurs, personne n'en connaît le sens et ne peut être raisonné ni médité. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas montré aux gens ce qui a été descendu à eux. Il n'a pas non plus transmis le message clair. À partir de là, chaque athée et chaque innovateur diront: la vérité sur un sujet n'est autre que ce que j'ai appris avec mon opinion et ma raison. Et il n'y a rien dans les textes qui contredisent cela, parce que ces textes sont ambigus et obscurs, et personne ne connaît leur signification. Ce dont personne ne connaît le sens, il n'est pas permis de s'en servir comme argument. Allahu Akbar, subhanallah. Ce discours continue d'obstruer la porte de la guidée dans le cas des prophètes et d'ouvrir la porte à celui qui les contredit. Il dit: la guidée et l'éclaircissement se trouvent dans notre roi, non pas dans la foi des prophètes, car nous savons ce que nous disons et ce que nous éclaircissons avec des arguments rationnels, tandis que les prophètes ne savent pas ce qu'ils disent, surtout quand il s'agit d'éclaircir leurs propos. Il s'avère clairement que le dire des partisans du tafouir, ceux qui prétendent qu'ils sont fidèles à la sunna et aux pieux prédécesseurs, est le pire des dires des partisans. Et le pire des dires de ces partisans est l'innovation et de l'athéisme. Voilà le discours de Cheikh Ibn Taymiyyah. C'est un discours juste émanant de quelqu'un qui possède une opinion droite. Il n'y a rien à ajouter à cela. Yeah. Alors lui accorde son infinie miséricorde et qu'il nous réunisse avec lui dans le jardin des bienfaits. Amin, amin. Regardez, subhanallah. Regardez, pas de kalam après le kalam. Et wallah, le kalam il est wadah, yakhwan. Char, c'est le pire de dire ça, tafouid. Et regardez, à un moment il a parlé de quoi? Il a parlé de rester dans quoi? En gros, il a parlé de que ces gens-là, chacun, al-bida' et al-lihad, en fait, c'est de rester dans le brouillard. Le but, c'est de quoi? C'est de rester dans le brouillard. De mettre quoi? De mettre des doutes dans ta religion. Et aujourd'hui, combien de gens restent dans le brouillard dans beaucoup de questions religieuses? Regardez maintenant, il y en a qui restent dans le brouillard dans les questions du shirk. Du shirk, on va pas loin. Même le shirk, il reste dans le brouillard. Oui, mais est-ce que il hésite encore à dire cela, c'est des mouchirikines ou c'est des musulmans? Regardez ça. Ça rentre dans ça. Beaucoup de gens essayent de faire quoi? D'émettre un brouillard dans quoi? dans ces questions religieuses et qu'Allah nous préserve de cela.